Partie 2. Andante, avec illustration picturale. De l'autre côté du miroir, dans un ailleurs loin du terroir. 24 mai 2017, au bureau. Pendant le déjeuner, Pékin. Il est charmant, l'humain tendre comme l'agneau, s'il n'est pas dévoré par le vorace loup, dont les dents acérées ne laissent que les os, et part sur le chemin, pareil à des cailloux. 23 mai 2017, avion Paris-Pékin, aube. Splendide soleil, éclairant une immense étendue désertique de sable marron clair, presque blanc sous la lumière. L'impressionnante nudité défile lentement, lentement. Je l'admire, le visage collé au hublot. Par l'écran réservé aux voyageurs, j'apprends que l'avion survole l'espace aérien à l'ouest du territoire chinois. Paysage semblable à un autre. J'avais 20 ans. En plein cœur du Sahara, moi et deux amis. On arrête la voiture au bord de la longue route goudronnée. Sans parler, nous sortons du véhicule. Chacun de nous se dirige vers une dune différente. J'ai entrepris ce voyage pour soulager la première cruelle douleur de ma vie, la séparation brutale avec une jeune fille, mon premier amour, un coup de foudre trop vite interrompu. Assis sur le monticule de sable chaud, je contemple l'espace infini, éblouissant ciel bleu jamais vu, dune à perte de vue, silence absolu, vague malaise. Peut-être les yeux, non habitués à regarder aussi loin et aussi largement, l'absence totale de bruit, néanmoins perceptibles oreilles sous forme d'étranges bourdonnements. Dans cet espace, dépourvu apparemment de toute vie, je ressens pour la première fois l'étourdissante intensité de mon existence et sa vacuité. Me voici une deuxième fois dans un désert, non pas à pied mais le survolant, et pour soulager une deuxième douleur. Cette fois-ci, j'espère que ne pas marcher, mais voler au-dessus d'un désert est de bon augure. Avion. 8 heures du matin, l'aéroplane poursuit son voyage au-dessus du centre de la Chine, une partie habitée. Battement cardiaque un peu plus fort. Des villages sur une pente de haute montagne, d'autres au sommet d'une colline, d'autres encore dans la plaine, parmi des champs multicolores, bien ordonnés. Je ne sais presque rien de cette partie de la planète, de sa population, de son histoire, de ses cultures, à l'exception évidemment de sa situation économique et financière. PIL, crédibilité financière, coût de la main-d'œuvre, possibilité d'investissement et de profit, etc. Honte à moi. Au milieu du milieu, sur terre et dans les cieux. Pékin, Happy Dragon Hotel, chambre 404, 22h. L'avion atterrit à l'aéroport de Pékin vers 9h du matin. Soleil déjà levé, chaude clarté, et moi tellement, tellement ému, étourdi. Sortie des voyageurs, pour moi, entrée dans l'inconnu. Dans le hall, je marche lentement, tirant ma valise. J'observe avec discrétion les gens, les visages, tous différents des nôtres. L'Extrême-Orient. Vague peur et vive curiosité. Au bureau d'information, accueil par une jeune et jolie employée, bien maquillée. En un charmant anglais, elle m'indique où trouver un taxi. Parcours vers la capitale. Belle campagne, champ bien entretenu, à perte de vue. Il contraste avec les images vues sur nos télévisions. Époque ancienne, mendiants gisant par terre, corps dénudés et décharnés. Un malheureux en haillons courts, pieds nus, tirant un pouce-pouce, où trône fièrement un occidental, costumé en blanc. Époque récente, drapeau rouge claquant au vent, petit livre, rouge aussi, brandi par des jeunes exaltés et hurlants. Époque actuelle, avions et navires de guerre menaçants, hommes d'affaires cupides et malveillants, immigrés inquiétants. De nouveau, regard sur les environs. Impressionnantes grues dans de multiples chantiers en construction. Nombreux immeubles jalonnant la route. Très haut, tout en verre et acier, il semble un défi. Pas du tout mon goût. Non pas parce que je m'attendais à des constructions sous forme de pagodes, dans le style crétin du cinéma hollywoodien, mais j'aurais désiré voir des édifices à dimension humaine, présentant quelque chose digne de la prestigieuse civilisation passée de ce pays. Donc une contribution architecturale à la riche diversité de la planète. Hélas, je ne vois que l'ordinaire morne copie d'une quelconque périphérie de capitale occidentale. Le taxi arrive à l'hôtel. Soulagé, il a seulement une vingtaine d'étages. Il semble agréable. Ma chambre est spacieuse, dotée de tout le confort moderne, mais semblable à n'importe quelle chambre d'hôtel de chez nous. Dommage. Mais une peinture chinoise traditionnelle est accrochée au centre de l'un des murs, une montagne très haute, dont le sommet pointu se perd dans de beaux nuages blancs. En bas, coulent les eaux claires d'une splendide cascade. En haut et à droite du cadre est écrit un texte en chinois d'une agréable calligraphie. Sur le mur d'en face, une grande carte géographique de la Chine. Quel immense territoire ! Admirable et inquiétant. 24 mai, hôtel, soir. Ce matin, à l'ambassade de ma chère nation, j'explique à un fonctionnaire le motif de ma venue. Je cherche des informations sur une compagnie artistique chinoise. 42 ans auparavant, en 1975, elle avait effectué une tournée dans la capitale de mon pays. « Je vous propose, conseille l'homme, d'aller au ministère chinois de la culture. »« Ah, merci. » Il ajoute, « Vous devriez aussi recourir à un interprète. »« Vous avez raison, comment le trouver ?» Le fonctionnaire s'éloigne un court instant, puis revient en compagnie d'une chinoise. Je l'examine. Quarantaine d'années, corps mince, bien proportionné, longue jupe noire et chemisier blanc, élégant mais simple. Ils mettent discrètement en relief les volumes et les lignes du beau corps. La peau est agréablement ambrée, le visage joliment ovale encadré par une chevelure souple, d'un noir soyeux et brillant. Les yeux d'un marron foncé expriment une profonde douceur. Du moins, c'est mon impression. J'apprécie l'absence de maquillage, ridicule sur tellement de visages. Pour tout dire, cette femme n'est pas la beauté provocante, suggérant immédiatement la jouissance physique. Cette personne est mieux. D'elle émane une gracieuse délicatesse qui touche d'abord l'âme. Rare, très rare denrée féminine dans mon cher Occident. « Elle s'appelle Mei Li, » dit le fonctionnaire. La nommée esquisse un discret sourire charmant à mon adresse. « Bonjour, monsieur, » salue-t-elle dans ma langue, avec un amusant accent chinois. « Bonjour, madame, enchantée de vous connaître. » Son regard direct et franc m'inspire confiance. Cependant, mon instinct de protection tempère mon impression. J'appartiens à la société qui commença par rêve, faisant manger la pomme à son compagnon, douleur d'échéance éternelle. Toutefois, je déclare sincèrement, « Je serai très heureux, madame, de bénéficier de votre aide. » 24 mai 2017, à la maison, soir. « Cette fois-ci, mon cher carnet secret, tu ne recevras pas un poème. Quand j'appris que la recherche de cet étranger pourrait nécessiter plusieurs déplacements, j'ai décliné courtoisement le travail. Je regrette, monsieur, mais voyager me pose problème. » Il tenta de me convaincre en fournissant des détails. « Je dois retrouver une femme chinoise, une amie. » Je l'ai rencontrée dans la capitale de mon pays il y a 42 années, exactement. Mais j'ignore où elle habite et si elle vit encore. J'ai seulement sa photo. La voici. Jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré que des hommes d'affaires. C'est dire ma stupéfaction. Touchée par les informations fournies, je prends la photo. Photo de Hua, adolescente, au bord de la mer. Elle montre une jeune fille d'environ 18 ans, au bord d'une plage ensoleillée, où une petite vague s'est levée comme pour lui faire hommage, avant de s'abattre sur la rive. La fille est de profil, le joli corps est lancé en un mouvement de danse, formant une ligne courbe semblable à un arc tendu. Les pieds sont nus sur le sable. Une abondante chevelure noire encadre un visage épanoui par un sourire dirigé vers l'objectif de l'appareil. La jeune fille est vêtue d'une robe légère, parsemée de fleurs multicolores. Sous l'effet d'une brise, un large foulard violet flotte à son cou. Toute l'image montre le splendide printemps de la vie. Je remets la photo au monsieur. Vous pouvez lire ce qui est écrit derrière, propose-t-il. Je tourne la photo. Deux lignes sont écrites, en chinois. Je ne peux empêcher l'émotion qui me prend. Être au ciel, deux oiseaux au vol inséparable. Être au sol, le couple végétal qu'unit un seul feuillage. J'explique au monsieur. Ce sont deux vers d'une célèbre ballade chinoise très populaire. Le titre est « Chant de l'éternel regret ». C'est une très belle histoire d'amour, mais l'épilogue ne fut pas heureux. Elle fut écrite par l'un de nos plus fameux poètes, Po Qiuyi, entre 700 et 800 de l'ère chrétienne. La photo et la dédicace m'attendrissent jusqu'au plus profond de moi-même. Je demande alors, à propos de la collaboration avec ce monsieur, de réfléchir jusqu'au lendemain. Dans le lot de la vie, le chagrin est compris. Encore 24 mai 2017. Plus tard. Vue veille. Agir ou ne pas agir. N'ai-je pas assez voyagé comme guide touristique dans ma jeunesse? À la maison, Je jouis enfin de la tranquillité, des lectures aimées et de l'écriture de mes chères poésies. Partir, ce serait améliorer ma connaissance de la langue et de la culture de cet étranger. Il me semble sympathique et gentil. Alors, rester dans le calme et connaître mieux notre culture classique, ou affronter les inconvénients des déplacements avec cet homme en échange de voyages dans sa culture, à travers lui. Eau tranquille du lac, tourbillon du torrent, d'où soufflera le vent? Sera-t-il élégiaque? 24 mai, Pékin, hôtel, soir. La première fois que j'eus devant les yeux la photo de celle que je cherche, j'y ai vu la plus charmante manifestation du bonheur de vivre. Un après-midi, je me promenais dans un parc avec Alice. J'avais à peine divorcé. « Je souffre tellement, avouai-je. Toi au moins tu souffres, donc tu vis. Moi, en matière de cœur, c'est le calme plat, celui de la mort. Je ne sais pas qui de nous deux endure le plus. » Court moment, puis elle ajouta. « Mais pas de regret, mon ami. Si on ne frappe pas une porte, elle ne s'ouvrira jamais. Si on y frappe, elle peut s'ouvrir pour laisser surgir un monstre. Mais il y a toujours une possibilité, même infinitésimale, que s'accomplisse un miracle. Le problème est de surmonter la peur, d'avoir le courage d'accepter l'éventuel échec, de le préférer au fait de ne rien tenter. » Quand l'oiseau renonce à sa cage, où le portera son voyage? 25 mai, hôtel, matin. Écrire en attendant, pour tuer le temps. Tôt, je suis sorti de l'hôtel, première promenade dans les rues. Immeubles pas tellement différents de ceux de nos villes, mais les annonces, écrites uniquement en chinois, sont intimidantes. Elles me font sentir analphabète, impossible de déchiffrer ces dessins, jolis mais totalement mystérieux. Retour dans la chambre. 11h10. Quand téléphonera-t-elle? Ah, cette carte de Chine au mur. Où trouver quelqu'un dans cette immensité? Passer, minute, passer. 11h35. Enfin, sonnerie. Allô? Ce que j'entends me détend. Merci. Merci infiniment. D'accord. Je vous attends ici cet après-midi à 14h. 25 mai 2017, à la maison, soir. À l'heure fixée moins 5, je suis arrivée dans le hall de l'hôtel. Il m'y attendait. Nous échangeâmes un amical sourire en nous serrant la main. Vous savez pourquoi j'ai accepté ce travail? Je vous prie de me le dire. J'ai été très émue par le motif de votre voyage. Et j'espère qu'on retrouvera vite votre ami. Un moment après, nous étions au ministère de la Culture. On nous reçut avec l'habituelle courtoisie. Une jeune employée nous fit patienter dans un salon, puis s'éloigna. Après un instant, l'étranger me demanda « Puis-je savoir pourquoi vous avez appris notre langue ?»« J'aime les cultures étrangères, et pour en connaître une, il m'a semblé nécessaire d'en apprendre la langue. Pourquoi la mienne ?»« Mon grand-père m'avait parlé de votre pays. » En particulier des mouvements révolutionnaires populaires qui ont marqué son histoire. J'ai alors décidé de connaître ce peuple, donc d'apprendre sa langue. Aujourd'hui, remarqua-t-il, on apprend les langues uniquement pour faire de l'argent. Puis il me demanda, puis-je savoir quel métier exercent vos parents? Ce sont des paysans pauvres du Sud. Ils ne pouvaient donc pas financer mes frais de scolarité. Aussi, durant celle-ci, j'ai utilisé mes moments libres pour travailler comme guide touristique. La jeune employée revint. Elle nous accompagna dans un bureau. Un fonctionnaire nous invita à nous asseoir en face de lui, puis il s'est adressé à moi, et je traduisais au fur et à mesure à l'homme que j'accompagnais. « Je confirme, déclara finalement l'employé, que la femme que ce monsieur cherche faisait partie de la compagnie en tournée dans la capitale de son pays. Mais pour le reste, je suis désolé, nous ignorons si elle est encore vivante, ni, dans ce cas, son lieu d'habitation. » La déception nous bloqua sur nos chaises. Alors le fonctionnaire ajouta « Je vous conseille de vous adresser à une émission de télévision spécialisée dans la recherche des personnes disparues. » 25 mai, hôtel, avant le dîner. Dans la rue, Mei appelle un taxi, on s'y engouffre. Je suis étonné par les façades des magasins, les gens sur les trottoirs, la circulation automobile. J'imaginais de trouver ce que j'avais vu à la télévision, chez moi. Un flot ininterrompu de personnes sur des bicyclettes, rien d'autre. Certes, elles sont là, mais nettement minoritaires par rapport aux voitures. Comme chez nous, mais ici plus encore, des cyclistes portent devant la bouche un masque blanc contre la pollution. Le taxi s'arrête devant un immeuble imposant, siège d'une télévision. Une responsable du programme nous accueille. Elle dit, me traduit Mei, que votre cas est spécial. Elle doit en parler avec le directeur. Quand la femme nous quitte, je demande « Pourquoi ce cas est spécial ?» Je ne sais pas. Est-ce parce que je suis un étranger? C'est possible. L'attente se prolonge un peu. Je sens une vague sensation de vide dans ma tête. J'avais lu que Pékin est victime d'une grave pollution. Est-ce cela? Ou simplement la fatigue, l'angoisse? La responsable revient. Elle nous dit l'accord de la télévision pour s'occuper du cas. Ouf. Dans le jardin de l'harmonie, à chaque chose tout s'unit. Après le dîner, en sortant du siège de la télévision, mon accompagnatrice et moi marchons dans la rue. Je note avec plaisir que dans les magasins, sur le seuil ou sur le trottoir, les gens sont généralement décontractés. Ils sont différents de ceux de ma capitale, dis-je. Qui? Les gens d'ici. Comment différents? Les Chinois qui résident chez nous, je les ai trouvés froids, méfiants, distants, au point d'avoir eu peur de venir en Chine. Ma compagne rit, puis m'explique. Les immigrés dont vous parlez, je l'interromps de manière courtoise. Pardon? Si nous nous tutoyons, c'est pas mieux? C'est mieux, merci, approuve-t-elle, contente. Bien. Les immigrés dont tu parles viennent généralement de la campagne. Ils ne sont pas habitués à vivre parmi des étrangers, en plus d'une autre culture, et généralement ils ne parlent pas votre langue. Je pense qu'ils sont intimidés, rien d'autre. En tout cas, ici, je les trouve normaux. Ça te va d'aller dans un bar pour se détendre un peu? Je te propose, suggère-t-elle, le plus beau parc de Pékin, il est très proche d'ici. Dans le passé, c'était le jardin impérial. Les étrangers l'appellent le parc du palais d'été. Mais son nom chinois est Yi Hui Yuan, c'est-à-dire, dans ma langue, le jardin de l'harmonie préservée. Oula, les trois mots résonnent dans mon esprit, l'excitent, l'enchantent. Allons-y. Nous y arrivons. Quelle merveille! Absolument inimaginable! Un immense parc, de splendides arbres partout, de tous les genres et proportions, avec çà et là de jolis petits bâtiments traditionnels aux couleurs vives. Au centre, un large lac. L'eau calme, scintillante, reflète le ciel bleu. Le parc mérite tout à fait son nom. Partout où les yeux regardent, tout est en effet d'une harmonie à la fois étonnante et apaisante. L'air embaumé par les multiples fleurs est tout à fait enivrant. Ici, pas de pollution. Je ne suis plus à Pékin, mais uniquement dans un jardin. Et quel jardin! J'ai tellement voyagé dans le monde, mais je n'ai jamais vu, pas même imaginé, une telle profusion de splendeur naturelle, arrangée par la main humaine avec une telle magnificence. Nous arrivons près du grand lac. Il est surmonté de jolis ponts de pierre ou de bois. Au bord des rives flottent de larges feuilles vertes de lotus. Mon accompagnatrice se tourne vers moi, contente de voir la joie manifestée par mon visage. « Qu'en penses-tu? C'est plus beau que dans un rêve. » Je ne peux m'empêcher de murmurer. « Nous naissons comme terre vierge. Le défi pour chacun est de savoir faire ou pas de sa vie un jardin et d'en préserver l'harmonie. » Me voilà philosophe. 25 mai 2017, à la maison, nuit. Quelle touchante surprise, entendre une si profonde réflexion. Un homme capable de l'exprimer, peut-il être mauvais? Hôtel, ma chambre, avant de dormir. À noter encore, autre surprise inattendue, plus étonnante, dans le parc, des hommes et des femmes de tout âge, individuellement ou en groupe, jouent de la musique, chantent, dansent, font du sport, se livrent à des jeux divers. L'un d'eux provoque ma curiosité. « Cela, qu'est-ce que c'est ?» Ma compagne regarde. « C'est notre sport favori et le plus antique, le Tai Chi Chuan. » « Pourquoi le plus favori ?»« Il permet l'harmonie entre le corps et l'esprit avec ceux de la nature, de l'univers. » « Hein ?» J'observe davantage l'homme. Ses mouvements sont très lents, très souples, une sorte de danse. Seulement à la regarder, je me sens plus calme, plus équilibré. Que serait-ce si je me livrais à ce sport ? Tournant mes yeux vers tous les gens présents, je demande « Il y a une fête particulière aujourd'hui ?»« Non, » répond ma compagne. « Chaque jour, de nombreuses personnes pratiquent ces activités ici. Elles les aident à bien entretenir leur corps et leur esprit. »« Chaque jour ?»« Oui, pour les gens qui travaillent avant ou après le temps de leur engagement professionnel, pour les retraités à n'importe quel moment de la journée. Mais les plus exigeants viennent ici le matin, juste avant ou après le lever du soleil. Suite à la nuit, l'air matinal est le plus pur. » « Oh là, quel choc! Je ne peux éviter de comparer. Dans mon pays, dis-je, les jours de semaine, le matin, on ne voit que des gens courir au travail, le visage renfrogné, les yeux encore alourdis par le sommeil. Et le soir, retour au bercail, encore plus fatigué, visage encore plus fermé. Jamais je n'aurais imaginé qu'en Chine existe ce que je vois. » Autour de Mei d'être stupéfaite. « Dans ton pays, on ignore tellement la Chine que tu es à ce point surpris ?»« Malheureusement, oui. »« Certes, m'explique-t-elle, la pauvreté et les problèmes existent également ici. » Mais il y a des gens qui, malgré les difficultés de l'existence, savent commencer ou finir la journée de manière bénéfique. « Eh oui, » me dis-je, comme le jeune homme que j'avais vu en allant à la banque. Au sein de la manifestation de travailleurs, il dansait. Une question m'interpelle violemment. « Ai-je raté ma vie, au moins jusqu'à présent ?» Près d'un arbre, un septuagénaire jongle avec trois petites massues. En me voyant intéressé, il sourit, puis, sans parler, me tend amicalement les instruments, m'invitant à jouer. Embarrassé, je décline la proposition et demande à Mei. « Comment dit-on merci en chinois ?»« Sié, sié !» Je répète les deux mots à l'homme en inclinant un peu la tête. Il insiste avec gentillesse, mais il m'encourage. « Allez, essaie !» Je prends les massues et tente de jongler. L'une d'elles m'échappe. J'essaie de la rattraper et je perds les deux autres. Le vieil homme et Mei m'applaudissent quand même. 26 mai, hôtel, soir. Le matin, je demande à Mei de me réaccompagner au même parc. Devant son étonnement, j'explique. Pour moi, c'est le meilleur moyen de passer le temps, en attendant quelques nouvelles de la part de la télévision. Pendant que nous marchons dans la rue, Mei s'arrête. « Excuse-moi, » dit-elle un peu gênée, « mais je ne réussis pas à te suivre. » L'observation me surprend, mais elle est juste. Effectivement, je marche trop vite. Comme si j'allais au travail, alors que c'est une promenade. Tu as raison, excuse-moi. Je reprends la marche, cette fois-ci au pas de Mei. Durant le parcours, un attroupement m'intrigue. L'angle de deux larges rues est occupé par une trentaine de jeunes, hommes et femmes, pauvrement vêtus. Les uns assis, d'autres debout, ils semblent attendre. Pourquoi cette affliction sur leur visage? J'invite ma compagne à m'éclairer. 26 mai, maison, soir. Quel embarras, quelle honte pour mon pays! Mais je suis obligée de satisfaire la curiosité de Bruno. C'est le nom de l'homme que j'accompagne, d'autant plus que j'apprécie sa sensibilité à cette scène. J'explique la situation de ces malheureux. Ils attendent la venue de quelqu'un ayant besoin de main-d'œuvre pour les embaucher. Ces personnes viennent de la campagne, où ils ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs nécessités d'existence. À ces paroles, le visage de mon compagnon s'assombrit. Sa réaction me touche. Décidément, je n'ai pas affaire à un businessman au cœur de pierre. Je ne lui raconte néanmoins pas un fait qui m'a déchiré. Voilà un an, tôt, le matin, j'allais à un parc pour respirer l'air frais et détendre mes muscles. Je suis passée près d'un groupe semblable à celui que Bruno et moi avions vu. Soudain, j'entends une voix très émue crier « Grande sœur Mei ! Grande sœur Mei ! Grande sœur Mei !» Je m'arrête, me retourne et dévisage la personne qui vient de m'appeler ainsi. Wang ? Je reconnais un ami d'enfance de notre village. Je ne peux m'empêcher de répéter « Petit frère Wang ?» Nous courons l'un jusqu'à l'autre. Nous cherchons à maîtriser notre forte émotion. Immédiatement, je comprends. Cet ami a été contraint de quitter sa famille pour venir jusqu'ici vendre ses bras, et pour une misère. Je connais la situation affligeante de ces infortunés. Y penser me rend malade. Si le destin m'avait été contraire, je me serais trouvée parmi eux. Voir ici ce cher ami m'accable. Il me vient de lui dire le plus chaleureusement possible « Je t'invite à manger un bol de nouilles chaudes. » Très troublé et reconnaissant, il secoue négativement la tête. « Oh, merci, grande sœur Mei. Merci, mais je ne peux pas. L'embaucheur pourrait venir d'un moment à l'autre. Je ne peux pas risquer de perdre cette occasion. » Je mets alors la main dans ma poche et lui offre tous les billets de monnaie qui s'y trouvent, malheureusement pas beaucoup. Très troublé, il refuse en reculant. « Non, non, grande sœur Mei !» J'insiste. Il résiste, en baissant la tête à cause de la honte. Je m'entête au point de réussir à lui glisser l'argent dans la poche. Je le quitte puis, aussitôt, j'éclate en larmes. 26 mai, hôtel, soir, suite. Au parc, un petit groupe de femmes chante en chœur. Vêtements plutôt simples, coiffure généralement sobre, visage dépourvu de maquillage ou très discret. Belle simplicité de tenue. Photo du groupe de femmes chantant en chœur. Face aux chanteuses, un homme joue d'un instrument que je n'ai jamais vu. Photo de l'homme jouant le violon traditionnel chinois à deux cordes. Mais il m'informe. Il s'appelle Haru, c'est-à-dire deux cordes. sous-entendu un instrument de musique ayant cette caractéristique. Il ressemble un peu à notre violon. Il est traditionnel, employé depuis environ 2000 ans. 2000 ans, dis-je. Oui, répond May. Beaucoup de nos instruments existent depuis l'Antiquité, depuis même 3000 ans, et ils continuent à être joués aujourd'hui. J'en reste aussi étonné qu'admiratif. 3000 ans et toujours actuel. Je me concentre sur la mélodie. Mais il la trouve mélancolique, moi, au contraire, joyeuse. Ce n'est pas la première fois que je le constate. La musique se perçoit en fonction du caractère ou de l'humeur de l'auditeur. Ça, je veux dire jouer ainsi de la musique, c'est également tous les jours? Oui, répond May. Et le dimanche, matin et soir, le groupe est beaucoup plus nombreux. J'écoute les divers chants. Très beau, bien que je n'y comprends rien. Et quel enchantement, voir des personnes dans un parc, chantant pour le plaisir, semblable à un groupe d'oiseaux. Encore une fois, je suis obligé de comparer. Pourquoi pas chez nous? Au parc, je remarque avec discrétion le vif intérêt de Bruno pour la musique et les chants. Une fois ces derniers terminés, il me propose de l'emmener dans un magasin d'instruments de musique. Intrigué, je demande « Musique ?»« Oui, musique. » Je ne comprends pas le motif de cette requête. Toutefois, la proposition me procure un énorme plaisir. Elle me rend Bruno plus sympathique, plus intéressant. Pourquoi May a un peu rougi après ma demande sur la musique? Évidemment, elle ignore une partie de moi. Eh bien, tu la découvriras. 27 mai 2017, à la maison, soir. Ce matin, nous sommes allés dans un grand magasin. Bruno admire les multiples instruments de musique. Il est fortement attiré par ceux qu'il n'a jamais vus. Il les examine l'un après l'autre, avec une curiosité tellement vive qu'elle me surprend. Il observe des instruments à cordes, des flûtes, des tambours, des gongs, et d'autres instruments en tout genre et de toutes les formes. « Quelle richesse !» déclare-t-il. Il s'attarde en particulier devant ce qu'il appelle une espèce de très élégante sitar chinoise. Un employé s'adresse à lui en indiquant l'instrument. Je traduis... C'est le guqin, le père de la musique chinoise, l'instrument des sages. Les anciens disaient qu'il devait être joué et entendu seulement par une personne ayant le cœur pur. Bruno est très impressionné par cette explication. 27 mai 2017, hôtel, soir. Je questionne. Et si le musicien qui joue cet instrument, ou celui qui l'entend, n'a pas le cœur pur? Dans le premier cas, répond l'employé, la musique sonnera faux. Dans le deuxième cas, l'auditeur ne sera pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. Charmante réponse, logique imparable. J'ignorais cette conception de la musique. Ainsi elle est semblable à l'existence humaine. La manière de la vivre soi-même ou de l'avoir vécue par un autre dépend aussi de la qualité du cœur. L'employé m'indique un autre instrument. Il est plus grand que le précédent, avec plus de cordes, d'un bois rouge écarlate, une espèce de sitar. C'est le guzheng, déclare l'homme. La première fois qu'on signale son utilisation remonte à 91 avant l'ère chrétienne. Et on en joue encore? Bien sûr, confirme l'employé. Oh oui, combien notre passé continue à vivre encore aujourd'hui. Le problème est de ne pas en être annihilé, écrasé. Cela m'arrive parfois. Je dois lutter pour m'en affranchir. Et je suis consciente de l'horrible partie cruelle et sanguinaire du passé. Pour cet aspect, je n'ai que dédain et mépris. Mais dans ce passé, il y a aussi une extraordinaire humaine beauté. Elle me nourrit. Ensuite, dans le magasin, je suis attiré par le violon chinois traditionnel à deux cordes déjà vu au parc. Je demande à voir des violons. Le préposé m'accompagne au rayon où ils sont exposés. Les voici, de tous les genres, si beaux, si délicats. Je les contemple longuement, tel infidèle devant l'apparition de son saint préféré. Une telle réaction de Bruno me surprend au plus haut point. Seul un musicien peut avoir ce comportement. Bruno ne me semble pas en être un. Ses yeux paraissent découvrir pour la première fois de sa vie ses violons. Son regard émerveillé est celui d'un tout petit enfant en présence du jouet le plus merveilleux. Me reprenant de la splendide admiration des violons, j'indique le plus beau. L'employé me le présente sur un comptoir. Je le prends comme on accueille dans ses mains un bébé à peine né. Avec tendresse, j'en examine le bois, l'archet, les cordes. Sur celle-ci, je passe doucement un doigt en les caressant. Boum, boum, boum. Je te comprends, mon cœur. Quel comportement si singulier, totalement inattendu. Demande-lui, dit Bruno, si je peux l'essayer. Tu veux dire, en jouer ? Il confirme, l'employé y consent. Avec une lenteur étrange, Bruno prend l'instrument, le pose sur l'épaule gauche, ajuste les cordes, puis sa main droite y pose l'archet et le fait glisser. La note musicale est nette, splendide. J'en reste stupéfaite. Le préposé sourit, admiratif. « Je l'achète, » décide Bruno. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. J'en suis très contente. En sortant du magasin, avec le violon en bandoulière, je marche en compagnie de Mei sur une large et longue avenue. Pour une fois, je suis indifférent à ce que je déteste. Sur les deux côtés, les très hauts et les immeubles qui empêchent de voir le ciel. Dire que je suis réjoui, heureux, c'est peu dire, 40 ans passés sans avoir touché un violon. Cependant, chaque fois que j'entendais une mélodie, elle me pinçait amèrement quelque part. Elle me rappelait une phrase lue. La plus belle réussite dans la vie d'adulte, c'est de réaliser le rêve caressé dans l'enfance. Le mien était celui de devenir violoniste. Mais l'esprit fut pris par autre chose. Pognon, admiration des pères et de la société entière. 28 mai 2017, à la maison, soir. Ce matin, nous sommes allés de nouveau au parc. Près d'un joli arbre, aux vertes branches larges et feuillues, une femme chante, accompagnée par un musicien jouant de l'air roux. L'homme remarque le violon tenu en main par Bruno et lui sourit d'un air complice. Je comprends. Je dis à Bruno, « Tu peux jouer avec lui si tu veux. »« Oh non, non !» réplique-t-il embarrassé. « Pourquoi alors as-tu pris ton violon ? » Je pensais que peut-être j'aimerais en jouer, mais seul, dans un endroit discret du parc. Ici, tu peux en jouer où tu veux, seul ou avec cet homme, j'indique le musicien. Il cesse de jouer et me parle. Je traduis à Bruno. Il dit que si cela te fait plaisir, il recommence la musique depuis le début, afin que tu puisses jouer avec lui. Il en serait content. J'hésite, embarras, timidité. Le musicien m'invite amicalement de la main. Je m'exhorte. Allez, courage. J'extrais le violon de son étui, l'ajuste sur l'épaule. Je pose l'archet sur les cordes et regarde le musicien. Il recommence à jouer le début de la mélodie. Maîtrisant mon trouble, je me concentre et l'accompagne. La femme se remet à chanter. La musique et le chant sont d'une tonalité nostalgique, mais pas triste. Elle semble évoquer la mystérieuse immensité de l'espace. 40 années passées depuis la dernière fois que j'ai joué, et aujourd'hui c'est à l'autre bout de la planète, dans un jardin. Maman, maman chérie, ton fils revit. Oh miracle! Un occidental et des chinois formaient un seul groupe artistique. L'oiseau volant dans le ciel bleu démontre mieux son âme en feu. Cependant, vers 12h30, en retournant à l'hôtel, Bruno a un malaise. Quelque chose ne va pas? J'ai un début de mal de tête très pénible. Je lève les yeux vers le haut. Le ciel est étrangement gris et blafard pour cette heure de la journée. C'est la pollution, dis-je, désolé. À ce point, s'étonne Bruno. Malheureusement, depuis que les voitures ont remplacé les bicyclettes. J'ai besoin de rentrer à l'hôtel. Je n'arrive plus à marcher. Prenons un taxi. J'en appelle un. Arrivé à destination, en voyant l'état de Bruno, je propose le recours à un médecin. Un peu de repos et ça ira, me tranquillise le malade. Il me remercie, me salue et rejoint sa chambre.